À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Ce n'était pas de même quand vous étiez malade. À propos, je sais que vous aimez les fleurs. Et je pensais à vous en cueillant ce petit bouquet. Tenez, monsieur. Prenez-le. Je ne le prendrai que pour vous le rendre. J'aurai plus de plaisir à vous le voir. Et moi, à cette heure que je l'ai reçu, je l'aime mieux qu'auparavant. Vous ne répondez jamais rien qu'aux deux bligeons. Oh, cela est si aisé avec de certaines personnes. Mais que me voulez-vous donc? Vous donnez des témoignages de l'extrême amitié que j'ai pour vous, à condition qu'avant tout vous m'instruirez de l'état de votre cœur. Hélas, le compte en sera bientôt fait. Je ne vous en dirai rien de nouveau. Ôtez notre amitié que vous savez bien. Il n'y a rien dans mon cœur que je sache. Je n'y vois qu'elle. Vos façons de parler me font tant de plaisir que j'en oublie presque ce que j'ai à vous dire. Comment faire? Vous oublierez donc toujours, à moins que je ne me taise. Je ne connais point l'autre secret. Je n'aime point ce secret-là. Mais poursuivons. Il n'y a encore environ que cette semaine que je suis ici. Y a-t-il tant que cela? Que le temps passe vite. Après. Et je vois quelquefois bien des jeunes gens du pays qui vous font la cour. Lequel de tous distinguez-vous parmi eux? Confiez-moi ce qui en est que mon meilleur ami que vous ayez. Je ne sais pas, monsieur, pourquoi vous pensez que j'en distingue? Des jeunes gens qui me font la cour. Est-ce que je les remarque, est-ce que je les vois? Ils perdent donc bien leur temps. Je vous crois, Angélique. Je ne me souciais d'aucun quand vous êtes venue ici, et je ne m'en soucie pas davantage depuis que vous y êtes, assurément. Êtes-vous aussi indifférente pour Maître Blaise? Ce jeune fermier qui veut vous demander en mariage, est-ce qu'il m'a dit? Il me demandera ce qu'il lui plaira. Mais en un mot, tous ces gens-là me déplaisent depuis le premier jusqu'au dernier. Et principalement lui, qui me reprochait l'autre jour que nous nous parlions trop souvent tous deux. Comme s'il n'était pas bien naturel de se plaire plus en votre compagnie qu'en la sienne, que cela est sot. Si vous ne haïssez pas de me parler, je vous le rends bien, ma chère Angélique. Quand je ne vous vois pas, vous me manquez. Et je vous cherche. Vous ne cherchez pas longtemps, car je reviens bien vite et ne sors guère. Quand vous êtes revenu, je suis content. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Il est vrai, je vois avec joie que votre amitié répond à la mienne. Oui. Mais malheureusement, vous n'êtes pas de notre village. Et vous retournerez peut-être bientôt à votre Paris, que je n'aime guère. Moi, si j'étais à votre place, il me viendrait plutôt chercher que je n'irais le voir. Et qu'importe que j'y retourne ou non, puisqu'il ne tiendra qu'à vous que nous y soyons tous deux. Tous deux, monsieur Lucideur? Oh, mais comptez-moi donc comme quoi? C'est que je vous destine un mari qui demeure. Est-il possible? Oh, ça ne me trompez pas, au moins. Tout le cœur me bat. Loge-t-il avec vous? Oui, Angélique. Nous sommes dans la même maison. Non, ce n'est pas assez. Je n'ose encore être bien aise en toute confiance. Quel homme est-ce? Un homme très riche. Bon, ce n'est pas là le principal. Après? Il est de mon âge et de ma taille. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Nos caractères se ressemblent, il pense comme moi. Toujours de mieux en mieux, que je l'aimerais. C'est un homme tout aussi uni, tout aussi sans façon que je le suis. Je n'en veux point d'autre. Qui n'a ni ambition ni gloire, et qui n'exigera de celle qu'il épousera que son cœur. Oh, il l'aura, monsieur Lucideur, il l'aura. Il l'a déjà. Je l'aime autant que vous, ni plus ni moins. Vous aurez le sien, Angélique, je vous en assure. Je le connais, c'est tout comme s'il vous le disait lui-même. Et sans doute. Et moi, je réponds aussi comme s'il était là. Ah, que de l'humeur dont il est, vous allez le rendre heureux. Oh, je vous promets bien qu'il ne sera pas heureux tout seul. Adieu, ma chère Angélique. Il me tarde d'entretenir votre mère et d'avoir son consentement. Le plaisir que me fait ce mariage ne me permet pas de différer davantage. Mais avant que je vous quitte, acceptez de moi ce petit présent de noces que j'ai droit de vous offrir suivant l'usage et en qualité d'ami. Ce sont de petits bijoux que j'ai fait venir de Paris. Et moi, je les prends parce qu'ils y retourneront avec vous et que nous serons ensemble. Mais il ne fallait point de bijoux. C'est votre amitié qui est le véritable. Adieu, belle Angélique. Votre mari ne tardera pas à paraître. Courez donc, afin qu'il vienne plus vite.